FrenchPod.com. Tu as vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier ? Encore une autre ? Oui, mais attention, c'est un nouveau concept. Cette fois, tous les participants ont un secret et le but du jeu est de le garder le plus longtemps possible. Ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Mais qui va bien vouloir regarder ces inconnus manger, se réveiller et tourner en rond dans une maison pendant des heures ? Love Story était un vrai flop. Love Story n'a pas marché. Mais Star Academy remporte beaucoup de succès il y a déjà plus de 8 saisons. Déjà ? C'est fou. Le pire dans tout ça, c'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités, font la une des journaux et s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Et ils se comportent comme des stars. Ils sont suivis par les paparazzi, racontent leur vie dans les moindres détails aux journaux à scandale. Tiens, ça me fait penser à l'autre là, qui est venu verser toutes les larmes de son corps la semaine dernière à la télévision. Qui ça ? Mais si, tu sais, le mec qui a tenu une conférence de presse spécialement pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était d'un ridicule. Et puis surtout, on s'en moque. Elle a quand même battu des records d'audience. Apparemment, plus de 8 millions de Français ne s'en moquent pas et le petit écran pullule de ce genre de programme. Mais comment t'es au courant de tout ça, toi, d'ailleurs ? Tu lis la presse People ou quoi ? Moi, non. Par contre, une de mes collègues lit la presse People et c'est elle qui me raconte tout ça.